Dehors c'est les bandits, les mourants, la police et les fous. Dehors c'est le bruit du vent, c'est les cris des chiens et des loups. Et toi tu danses, tu veux toujours danser partout. Et moi je danse, je veux toujours danser partout. On dit ça, on dit plus rien, on fait semblant, on dit pas tout. On se fait du mal ou du bien, on sent quand ça nous passe partout. Alors on bouge, on danse, et pour tout le reste on s'en fout. Alors on bouge, on danse, et pour tout le reste on s'en fout. Oh, le goût sur ta peau. C'est le froid qui nous gèle ou c'est la chaleur qui étouffe. C'est souvent le bruit d'une guerre qui nous entoure ou qui nous touche. Alors on danse, encore, on oublie tout. Alors on danse et puis on chante pou pou pidou. Il paraît même que demain c'est la fin du monde et de tout. Comme on débarquait les martiens dans des assiettes ou des soucoupes. Alors on avance et puisque tout le monde est fou. Alors on bouge, on danse et pour tout le reste on s'en fout. Oh, le goût sur ta peau. Je l'aime et l'oublie et m'emporte plus haut. On dit plus rien, on le fait des fois, on fait comme si on se fait du mal ou du bien. Mais l'important c'est d'être ici. Alors on bouge, on danse et pour tout le reste on s'en fout. Alors on bouge, on danse et pour tout le reste on s'en fout. Ce soir on chante ensemble, ce soir c'est plus qu'une étincelle. Alors on danse, on avance, c'est comme si nous poussait des ailes. Ce soir on chante ensemble, ce soir c'est plus qu'une étincelle. Ce soir on chante ensemble, ce soir c'est plus qu'une étincelle. Oh. Le chant des oiseaux nous rend plus tranquilles, nous emporte plus haut. Oh, c'est haut vu d'en haut, survolons les villes, partons un peu plus haut. Oh, le goût sur ta peau, je l'aime. Dans les villes, pardon.